vous écoutez Radio Campus Lille, il est midi. En este mundo actual, el capitalismo trata de hacernos esclavos, trata de vendernos una resignación, trata de vendernos una vida cómoda y de mierda, y a todo ello yo digo no, y a todo ello we yo me resisto, ¿verdad? We have to change the political systems themselves, because as long as these kind of people are in power, no matter how many people we mobilize on the streets, they will not listen. La mondialisation, elle n'est juste que la préparation des conditions d'assassinat des peuples. Le nouveau esclavage, il est là-dedans. La nouvelle colonisation, elle est là-dedans, frère. C'est quand ils voient tous nous bagarrer pour acheter leur et qui c'est vraiment l'utopie de croire que ceux-ci auront un jour la conscience de penser un peu au bien-être de la société. L'organisation, ça reste au niveau économique et politique. Parle jamais des gens en tant que peuple. Donc maintenant, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il y a des petits espaces de liberté. Il faut rentrer dedans. Il faut pousser les murs. C'est un mouvement de mobilisation de tous les citoyens du Nord. Una lucha transformadora, una lucha renovada que se basaría no en la violencia, sino en la palabra. Pour qu'il y ait cette révolution, il faudrait que cette jeunesse puisse prendre conscience que l'avenir est entre leurs mains. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Attention s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, nous sommes le troisième samedi du mois, il est midi et sur les ondes de Radio Campus, vous vous préparez à écouter la neuvième émission de la sixième session d'Angle d'Attaque que proposent les trois attaques de la métropole lilloise. Attaque A2TAC, fameuse association qui réunit tous ceux qui contestent la politique de M. Macron, de son gouvernement et du MEDEF, pour composer la marée populaire de samedi 26 mai, où nous comptons bien vous voir toutes et tous pour dire que, eh bien si, un autre monde est possible. Après cette forte introduction, je vous présente l'équipe de service, Florent est le réalisateur de l'émission, René dit la science et Christian, sans Ludovic aujourd'hui ni Louis, qui nous accompagne par la pensée bien sûr. Nous allons essayer d'interviewer notre invité. De quoi parlons-nous avec cet invité aujourd'hui? Ça ne surprendra personne, en ces temps d'affrontement social, nous allons parler de la SNCF. Et nous n'avons pas mégoté avec le titre de l'émission, SNCF, privatisation, sanction, point d'interrogation, Comment comprendre ici la symétrie avec la nationalisation-sanction de Renault en 1945 pour fait de collaboration ? Sanction, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, c'est une sanction préventive qui doit être entendue par tous les fonctionnaires de la fonction publique aujourd'hui. Monsieur Macron est en train d'attaquer sérieusement. Sanction aussi pour une dette dont l'État est loin d'être étranger. De cela et de bien d'autres choses, nous allons parler au téléphone avec un journaliste membre de Ferinter, une association qui réunit chercheurs et journalistes, qui est auteur en 2007 d'un ouvrage prémonitoire, je trouve, la facture ferroviaire, pourquoi le TGV ne sauvera pas le chemin de fer. Bonjour Vincent Doumerou. Bonjour. Vous nous entendez là ? Très bien. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Ah oui, c'est une réciprocité. Réciproquement. Bien. Notre ami Ludovic, que vous avez eu au téléphone, est absent aujourd'hui. Oui. Vient de nous le dire d'ailleurs. Nous en sommes désolés évidemment, mais il nous a laissé une grille de questions que vous avez eue et que René va commencer par un peu d'histoire de la SNCF. Allez René. Bonjour Monsieur Doumerou. Voilà, l'histoire, pouvez-nous parler un peu de l'histoire de la SNCF en tant qu'entreprise publique ? Alors, la SNCF, oui, a été créée donc a commencé à exister en 1938, le 1er janvier 1938 exactement. Elle a exploité l'ensemble des réseaux ferrés, en tout cas d'intérêt général, parce qu'il y avait également à l'époque les tramways, les petits chemins de fer, qui étaient en décadence, mais qui existaient encore. En fait et place des anciennes compagnies, des grandes compagnies qui exploitaient le réseau selon selon des modalités géographiques, c'est-à-dire qu'il y avait la compagnie du Nord, de l'Est, du Midi, etc., Orléans. Et elle ne se concurrençait pas paradoxalement puisqu'elle exploitait le réseau selon des modèles dans leur zone géographique. Quoi. Oui, en somme, elles s'étaient réparties le territoire national. En quelque sorte, oui. C'est-à-dire que ça date, c'est un dispositif qui date pour l'essentiel de l'époque de Napoléon III, du Second Empire, où le début du chemin de fer, c'est vraiment les années 1820-1830. Et au départ, il y avait une sorte d'anarchie, c'est-à-dire un peu partout, il y avait des compagnies qui s'étaient créées. Et puis, il y a eu une rationalisation géographique avec l'idée d'un réseau qui, pour l'essentiel, rayonne autour de Paris. Et puis après, une rationalisation, économique, avec des entreprises qui étaient privées et qui à la fois avaient auxquelles l'État garantissait, la garantie d'intérêt, donc garantissait un revenu. Des modalités assez complexes, mais c'est l'idée. Et en échange du développement du réseau et de ce qu'on appellerait aujourd'hui des missions de service public. Et donc, effectivement, dans les années 30, comme du fait de la crise économique et de la concurrence automobile, il y avait une époque une dette très importante et un déficit. Et l'État a décidé de nationaliser le réseau. Alors, pour reprendre le terme de votre présentateur, c'était l'inverse d'une nationalisation sanction, puisque c'était vraiment, on appelait à l'époque ça une nationalisation contractuelle où l'État en fait fait une sorte d'accord de gentilhomme avec les propriétaires des anciennes compagnies. Et d'ailleurs, ceux-ci restent actionnaires de la Société Nationale, donc de la SNCF, donc ça s'appelait déjà comme ça, elle n'a pas changé de nom. Ils restent actionnaires à 49%. Et ça a été jusqu'en 1982. Et en 1982, à partir de 1983, donc 45 ans après, c'était valable pour 45 ans, à partir de 1983, la SNCF est devenue un EPIC. Et donc cette fois-ci, l'État est le seul propriétaire actionnaire. Quoi. D'accord. D'accord. Ça, c'était une première chose. Et finalement, vous avez déjà parlé de dette, donc où l'État s'était substitué au propriétaire, d'une certaine façon, pour nationaliser, donc. Oui, de toute façon, le réseau n'était pas rentable. Hein, donc, c'est pour ça que ça a été. Bon, voilà, c'est selon la formule consacrée, c'est une nationalisation des pertes. Quoi. Enfin, c'est tout à fait ça. Le réseau n'était plus rentable. Alors, il y avait toujours eu. Il y avait depuis longtemps, c'était un problème, puisque bon, c'est une activité quand même de réseau, donc qui coûte par nature cher et bon, presque, j'ai envie de dire, qui n'est pas rentable. Il y avait des réseaux, ce qu'on appelait les réseaux pauvres et les réseaux riches. Donc les réseaux riches, c'était pour l'essentiel, c'était la compagnie, le PLM, donc le Paris-Lyon Méditerranée, avec des trafics touristiques notamment, et le Nord, parce que notamment à cause des trafics industriels. Oui. Et les réseaux pauvres, c'était plutôt l'Ouest et le Midi. Alors pour diverses raisons, alors l'Ouest. C'était. Déjà, il y avait déjà à l'époque une forte prédominance du trafic de banlieue, avec Saint-Lazare, donc qui est moins rentable. Une importance de la polyculture qui fait que il y a beaucoup d'autosubsistance dans les campagnes, donc relativement peu d'échanges. Et puis il y avait le Midi, pour des raisons, pour l'autosubsistance assez comparable. Et donc voilà. Mais le problème des déficits s'est aggravé après dans l'entre-deux-guerres, enfin surtout dans les années 30, et notamment l'arrivée de la concurrence automobile, les autocars, etc., qu'il a bien fallu gérer, quoi. Donc, on arrive naturellement à une question concernant la dette d'aujourd'hui, qui est quelque chose qui est incontournable dans la tête du gouvernement. Ouais. Qui est avancé en tout cas comme quelque chose d'incontournable. Voilà, c'est ça. On voudrait bien avoir votre avis là-dessus. René a une question supplémentaire. Oui, il semblerait que le problème de la dette n'était pas apparemment très grave une fois la société nationalisée, jusqu'à ces dernières années où, d'après les rapports Spinetta ou autres, c'est devenu un gros problème. Alors pourquoi maintenant c'est devenu un problème insurmontable et qu'on commence à vouloir transformer, peut-être privatiser la SNCF? Oui, alors en fait là c'est, comment dirais-je, c'est relié à l'ensemble de l'économie, de l'activité économique. Bon, il y a une dette, la dette augmente, les dettes augmentent partout au niveau mondial et au niveau public, privé. Donc je lisais, alors là je suis les chiffres de mémoire, mais un chiffre dans la tribune, je crois que les dettes mondiales public plus privé, on est à plus de 200% du PIB donc mondial. Hein, je crois que ça donne des chiffres du style 140 000 milliards de dollars, enfin ce genre de chiffres. Bon, des chiffres qui donnent un petit peu le vertige. Il y a ce contexte. Bon, évidemment que personne n'évoque, évidemment, puisque c'est plus commode de braquer le projecteur sur la dette de la SNCF comme si c'était un problème en soi. Alors, pour revenir, donc là, à l'heure actuelle, c'est à peu près 50, dans les grandes eaux, hein, c'est 50 milliards d'euros quand on cumule le réseau et la mobilité, quoi, enfin la mobilité, c'est-à-dire l'exploitation. Donc ça a augmenté évidemment dans les années 80-90, comme l'ensemble de l'endettement, alors aussi parce qu'il y avait moins d'inflation que dans les années 70, donc aussi parce qu'il y a eu la construction des lignes de TGV par l'emprunt, donc notamment la ligne du TGV Nord, notamment, qui a été beaucoup financée par l'emprunt. Bon. Évidemment, c'est pour ça que la dette a augmenté. Et cependant, le fait de relier, si vous voulez, ce qui est faux, c'est de relier la dette au statut. C'est-à-dire, dans l'ensemble, quand on compare les autres pays européens, le Royaume-Uni, qui est le type même du pays où il n'y a plus de statut des cheminots, les chemins de fer ont été privatisés dans les années 90, la dette est de l'équivalent de SNCF Réseau et de l'ordre de 50 milliards de livres sterling. Donc assez comparable, avec en plus un réseau qui est beaucoup moins étendu, puisque le Royaume-Uni est moins vaste. Donc, Et bon, donc c'est la dette est liée à une activité intense en capital avant tout, et bien plus, et pas au statut cheminot. Hein. Le statut cheminot, ça n'a pas d'influence ou très limitée sur la dette. Et également, les petites lignes ont également une influence très limitée, puisque en fait, les petites lignes, elles coûtent relativement peu. C'est un coût marginal, si vous voulez, par rapport au coût fixe de l'ensemble du réseau. Donc les deux monstres, entre guillemets, c'est-à-dire le statut du cheminot et les petites lignes, en fait, forment peu de dettes, en fait. Oui, alors il faudrait peut-être préciser les choses entre les deux SNCF, quoi, réseau et mobilité, parce que c'est le réseau qui concentre justement cette dette. Oui, puisque il est plus coûteux d'entretenir un réseau que de faire rouler des trains, dire vite. Bien sûr. Cette fameuse séparation, elle est voulue. Il y a une directive qui est européenne, donc qui est très connue, peut-être un peu trop d'ailleurs, parce que bon, on lui fait dire un peu ce qu'on veut. 91-440, donc en 1991, et celle-ci. Pose l'obligation de la séparation comptable entre les opérations de réseau et les opérations d'exploitation. Donc elle pose une séparation uniquement comptable, c'est-à-dire elle n'impose pas la scission entre deux sociétés ou deux établissements différentes. En gros, il faut qu'il y ait une ligne sur le rapport comptable, il faut qu'il y ait une ligne pour le réseau, une ligne pour l'exploitation, pour caricaturer évidemment. Mais ici en France, on a quand même séparé en deux sociétés distinctes. Voilà, justement. Alors, il y a eu deux étapes. Alors, au départ, la séparation comptable, ça s'est fait en 95, il y a eu un décret donc qui a séparé les deux, mais effectivement, en 97, il y a eu la séparation entre deux établissements distincts, donc RFF, donc Réseau Ferré de France, et la SNCF. Avec en plus la SNCF gardait une entité pour le réseau parce qu'en fait le personnel qui entretenait le réseau restait à la SNCF. Et il y a eu en 2014 la loi du 4 août en fait qui sépare SNCF Réseau, qui crée SNCF Réseau à la place de RFF. Alors cette fois-ci en y affectant le personnel d'entretien du réseau, SNCF Mobilité qui s'occupe de la mobilité des trains. Et du reste, puisque la SNCF ne fait pas que du train, et un établissement en épique de tête qui chapeaute les deux. Sur un modèle qui rappelle assez fortement, pour certains côtés, la Deutsche Bahn, enfin, c'est ce que les Allemands ont fait en 1994. Mais bon, on copie l'Allemagne, on copie la structure, mais on ne copie pas la politique de fond, si vous voulez. Donc c'est un petit problème, bon, on pourrait y revenir, mais bon, la comparaison avec l'Allemagne, mais bon. Voilà. D'accord. Alors, effectivement, il semblerait aussi que le fait de concentrer sur une entreprise la dette, c'est l'exposer à des financements extérieurs, en fait. Alors, en fait, oui. Alors, évidemment, la dette se concentre sur le réseau, évidemment. Donc là, bon, de mémoire, le à peu près 85% de la dette ferroviaire actuelle, elle porte sur le réseau. L'endettement, bien sûr, il y a un financement par le marché, oui. Oui, bien sûr, il y a des dettes, bien sûr, oui. Alors, que dit le rapport Spinetta à propos de la dette alors? Ben alors, il dit évidemment, il dit que c'est un gros problème et il appelle en fait à il appelle un certain nombre de choses, hein, à une transformation en société anonyme, bon, etc. Il appelle aussi à fermer les petites lignes. Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça parce que en fait. Il appelle un audit ligne par ligne de l'utilité, etc. Donc bon, c'est pas tout à fait aussi caricatural que ça. Pour l'essentiel, il appelle en fait, le gouvernement suit en grande partie ce que préconise le rapport Spinetta. Sachant que si j'avais un. Bon évidemment, il y a à l'horizon l'arrivée de la concurrence. Alors, si j'avais un commentaire un peu de fond à faire sur le rapport Spinetta, bon, qu'il soit pour l'arrivée de la concurrence, bon, etc., bon, c'est un point de vue, bon, voilà, je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est un point de vue. Ce qui est très frappant, c'est, il n'engage pas le gouvernement, mais c'est la technocratie, Spinetta, c'est la technocratie française, c'est vraiment l'absence de toute, de toute vision, de toute stratégie. On ne réfléchit pas au rôle du transport ferroviaire sur l'aménagement du territoire. Bon, je sais que la formule est un peu galvaudée, mais bon, sur le tourisme, sur évidemment le développement durable. Bon, désolé, hein, encore une formule galvaudée, mais bon, nous entendons. On rappelle simplement. Voilà, et il n'y a vraiment aucune. C'est assez typique de la technocratie française, cette espèce de vision du chemin de fer comme quelque chose qu'il faut rabougrir. Bon, en gros, restreindre, en gros, TGV et RER, en gros, c'est ce qu'il dit. Bon. En caricaturant un tout petit peu. Et voilà, il n'y a aucune. Dans ce pays, c'est malheureusement une constante depuis des dizaines d'années. Il n'y a aucune vision assez rabougrie et finalement assez méprisante finalement pour le transport ferroviaire finalement. Oui, je crois qu'il y a quelque chose dans le mépris effectivement à chercher. Je rappelle simplement qu'il a été directeur d'Air France, Spinetta, d'Areva, d'Alcatel, de Saint-Gobain et d'Engie. Alors si vous me permettez une petite remarque, oui. Justement, il a été directeur d'Air France. Bon, petit paradoxe, bon, on demande à un ancien dirigeant d'Air France de parler du rail. Bon. À la limite, pourquoi pas, une vision extérieure, bon, admettons. Mais bon, il y a un phphénomène qui est une constante en France depuis les années 30, quoi. C'est le sous-développement des dessertes régionales. Alors à l'époque, on appelait ça encore omnibus, en dehors de l'Île-de-France, si vous voulez. Il y a une énorme concentration du trafic sur l'Île-de-France, qui va, bon, évidemment, qui s'explique par le poids démographique de l'Île-de-France, mais pas uniquement. Et bon, par exemple, vous êtes à Lille, par exemple, les grandes villes telles que Lille ou Lyon, etc., ne disposent pas de RER, par exemple, de réseau qui permettrait vraiment des déplacements de masse au quotidien, comme il y a, par exemple, dans les villes allemandes, par exemple. Et autre exemple, les aéroports, la desserte des aéroports par TER est quasiment inexistante en France, si vous voulez. Or, en tant qu'ancien dirigeant d'Air France, il aurait quand même pu faire la remarque, vous voyez. Vous comprenez ce que je veux dire. Et or, il n'y a pas un mot là-dessus. Et il a fallu, j'ai lu récemment le rapport, un séminaire qui s'était tenu, et c'est un dirigeant d'EasyJet qui fait cette remarque. Donc vous rendez compte, il faut quand même le dirigeant d'une compagnie aérienne britannique, privée, etc., pour remarquer quand même le sous-développement des dessertes TER en France. Et enfin, ce qui est quand même un peu fort de café. Oui, on y pense à Lille d'avoir un métro, voilà, qui va jusqu'à l'aéroport de Léquin. Lille, oui, Léquin n'est pas desservi. D'ailleurs, il y a un projet de le RER du Grand Lille, qui desservirait, je crois, en tout cas, une des modalités prévoirait la desserte de l'aéroport, justement. Oui, c'est ça. Et puis, en discussion sous les différentes formes que ça peut avoir, parler de RER, on a été question de tramway à un moment, et voire par les airs, enfin, par un tel ferry, quelque chose comme ça. René a une question. Oui, il y a peut-être un point ou deux, tout de même, dans le rapport Spinetta, qui met en défaut les décisions du gouvernement. Il souligne notamment que le niveau de satisfaction des Français à l'égard du chemin de fer, qui est au-dessus de la moyenne européenne, et d'autre part, je crois qu'il signale que le Railway Performance Index, enfin le BCG, oui, signale que la qualité globale la qualité du réseau ferroviaire en France est au quatrième ou au troisième rang, au même niveau que l'Allemagne, la Suède, largement devant les Pays-Bas, bon nombre de pays européens d'ailleurs. Bon, il y a quand même cet aspect qui fait que, apparemment, malgré ce qu'on nous dit, il y avait la qualité dans ce réseau, quoi. D'accord. Alors, effectivement, je crois qu'il dit au début, je suis même sûr, il en parle au début, un peu en introduction, dans les grands propos, qui ouvre un petit peu le rapport. Bon, ça fait un peu, sur le principe, je vous caresse et après, bon, pour mieux vous aider. Bon, moi, j'avais un peu ressenti comme ça. Bon, alors, ça dit, si vous me donnez mon avis justement sur les comparaisons entre réseaux. C'est compliqué de comparer la France et les Pays-Bas, par exemple, bon, puisqu'on sait que les pays sont quand même des structures démographiques très, très, très différentes. Alors, donc, bon, la chose a ses limites, qui n'empêche pas, ça n'empêche pas de le comparer, mais bon, voilà, il faut garder à l'esprit les limites. Alors, sur le fond, ce que je dirais, c'est que, par exemple, quand vous regardez, vous prenez un indicateur tout bête, bon, ce qu'on appelle les parts modales, c'est-à-dire la part de marché des chemins de fer par rapport aux autres moyens de transport, tout ce qui est marchandises, le fret, comme on dit aujourd'hui, là il y a eu une politique quasiment d'euthanasie depuis le début des années 2000. Bon, là, oui. C'est assez. On est passé de 15 à 20% à moins de 10, quoi. Donc, bon, là, et là, quand on regarde même les chiffres sur Eurostat, il y a des tableaux. La France est très évidemment en seconde partie de peloton, quoi. Hein. Bon, là, c'est relativement. Bon. Sur les voyageurs, c'est un peu plus nuancé, parce que quand vous sur les parts modales, on est plutôt en tête. Alors il y a par exemple l'Autriche, on fait jeu égal un peu avec l'Autriche, la Suède, vous voyez des pays comme ça, la Suisse, on parle de la Suisse. Bon. Alors c'est un peu compliqué parce que ces parts modales, évidemment, ce sont des chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, comme disait. Alors déjà, ces parts modales, elles mesurent le nombre de kilomètres. Or, la majorité des transports au quotidien font peu de kilomètres, si vous voulez. Donc, déjà, le fait de mesurer les kilomètres, ça valorise les pays relativement vastes où il est plus facile de faire beaucoup de kilomètres. Et d'autre part, comme la France a investi dans le réseau TGV qui est justement dédié aux longues distances, c'est un effet indiscutable du TGV, si vous voulez. Par ailleurs, quand on regarde par habitant le nombre de kilomètres et le nombre de trajets faits par habitant, donc en kilomètres, un peu pour les raisons que j'ai dites, la France est plutôt en tête, et plutôt dans un carré d'as, enfin pour m'exprimer de manière un petit peu journalistique, elle est dans un carré d'as, si vous voulez, de tête, avec il y a l'Autriche, la Suède et la Suisse, voilà. En nombre de déplacements, elle est plus en milieu de peloton, avec l'effet que en Île-de-France, le trafic est très concentré sur l'Île-de-France. Ce qui signifie que qu'en dehors de l'Île-de-France, la fréquentation ferroviaire est souvent très faible. Et pour des raisons, on connaît l'étalement urbain, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'absence de réseau RER, l'absence de dessertes de lieux stratégiques. J'ai parlé des aéroports, je pourrais parler des lieux touristiques aussi. Il y a beaucoup de lieux touristiques, très touristiques, qui ne sont pas desservis par TER. Ce que je résumerais, que sur le réseau ferré français, je dirais que c'est un peu le TGV, l'Île-de-France et le désert français. C'est un peu comme ça que je le résumerais, évidemment, d'une formule qui est évidemment un raccourci, mais voilà. Oui, et puis ça continue sérieusement. Vous avez peut-être vu dans le monde diplomatique de ce mois-ci Montluçon, qui est au cœur de la France, et dont le nombre de dessertes autour de Lyon, Bordeaux, Paris et Marseille a diminué ces dernières années de façon conséquente. Oui, alors en plus, Montluçon, c'est vraiment la ville qui est en mauvaise position. Bon, déjà, c'est ce qu'on appelle la France, la France périphérique, quoi. Et puis en plus, plus ou moins à l'intersection entre trois régions, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et Centre-Val de Loire. Et du coup, tout le monde peut encore plus se défausser sur le voisin, quoi. D'ailleurs, je crois qu'un des arguments de la région Centre, c'est pour ne pas investir, puisque il y a Bourges-Montluçon, enfin au nord de Montluçon, on passe immédiatement. C'est de dire, mais la majorité des utilisateurs actuels habitent Montluçon, sous-entendu habitent Paché, ce n'est pas d'intérêt régional pour nous. Enfin, voilà. Il y a le département du Cher qui veut bien entretenir le réseau sur son département. On est dans le stupide. René. Oui, je voudrais revenir un peu sur la question du fret ferroviaire, puisqu'en France, il est tombé à moins de 10%, contrairement par exemple à l'Allemagne, où il se maintient autour de 30%. Je sais que le fret a été privatisé en 2007, je crois. Enfin, l'ouverture à la concurrence, plutôt, oui. C'est... Et il y a notamment un cinéaste, Gilles Balbastre, qui a produit un documentaire, Changeons d'air, qui montre justement cette catastrophe, cet échec. Est-ce que c'est dû plutôt à un sous-investissement dans les infrastructures ferroviaires de fret, ou alors à des investissements mal prévus, ou alors est-ce que c'est dû aussi à l'abandon par la SNCF de ce qu'on appelait le wagon isolé, tout ça conjugué apparemment a conduit le fret ferroviaire en France à la situation actuelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors bon, là encore, là tout ce que vous avez dit est vrai, enfin si vous voulez. Alors il y a en fait il y a les phénomènes de désindustrialisation, alors qui est un choix en fait. Les milieux dirigeants, disons français, ont fait le choix on a de très grands groupes. Qui ont une stratégie internationale, mais il n'y a pas le tissu d'entreprises moyennes qui est en Allemagne, on a des un peu hors sol, quoi, si vous voulez, et le fret ferroviaire en fait les frais, puisque, alors d'une part, parce que c'est le reflet, Spinetta en parle, c'est le reflet de la désindustrialisation, mais c'est aussi un facteur, parce que c'est un élément de compétitivité, enfin, là je m'exprime un peu comme les milieux patronaux, mais quand il n'y a pas que le coût du travail, quoi. Quand un port comme le Havre n'est pas ou est très mal desservi par la desserte ferroviaire, c'est un élément de désindustrialisation. Il y a le fait que la SNCF raisonne activité par activité, donc c'est un peu du mépris aussi. Hein. On dit on coupe, mais finalement les coûts fixes restent. Fret SNCF a perdu depuis 2000 à peu près les deux tiers de son trafic en tonnes kilomètres, hein, de 55 à peu près 20, et elle est restée en déficit. Oui, justement, elle s'est privée d'une clientèle potentielle avec le wagon isolé. Et justement, vous parliez du Havre. Je crois que là, le gouvernement avait entrepris des grands travaux de modernisation de la gare de triage, mais ne l'a pas fait savoir. Il n'y a pas eu de publicité. Fait que les industriels ont continué à utiliser la route, les camions. Donc on a un investissement pour rien. Sur le Havre, il y a aussi les voies navigables. Hein. Il y a aussi la Seine qui est navigable jusqu'à Paris. Quoi. Donc là, il y a aussi la concurrence avec les voies navigables. Quoi. Il y a ça, et puis il y a les accès aussi à Paris. Donc parce qu'évidemment, il ne faut pas faire uniquement le port, il faut après voir tout l'ensemble de la ligne pour rendre compatibles les accès après jusqu'à l'Île-de-France. Quoi. C'est un peu cette politique d'ensemble qui manque. Alors sachant que plus dans votre région, puisque j'avais écrit dans Le Monde diplomatique un article sur les chemins de fer dans le Nord, parce que ça me paraissait un bon reflet, puisque bon, le Nord c'est quand même dense, enfin, il y a une densité qui devrait permettre un développement considérable du chemin de fer. Mais il y a deux, je prends toujours l'exemple, je trouve assez illustratif, il y a deux cadres SNCF, messieurs Messula et Regnault, qui ont écrit un livre qui s'appelle Que faire de la SNCF, qui est sorti fin 2016, je crois, et à un moment, il parle justement de l'usine Toyota de Honin. Il parle du fret, et il parle de l'usine Toyota de Honin, enfin, à côté de Valenciennes, et du port de Dunkerque. Et il parle de pièces qui sont acheminées du port à l'usine, et ils disent que ça, c'est bon pour la route, quoi. Vous voyez, on dit il y a moins de fret parce qu'il n'y a plus d'usine, mais si quand il y a une usine et un port, on estime que le fret ferroviaire n'est pas pertinent, c'est un choix, quoi. C'est plus seulement la désindustrialisation. Oui, mais en même temps, le trafic routier, lui, a explosé. Et ça pose aussi des questions de problèmes environnementaux et par rapport au climat, au réchauffement climatique. Oui, bien sûr. Oui, ça, Voilà, tout le monde en parle, mais bon, personne ne décide. De toute façon, une fois de plus, dans l'Avor Spinetta, l'enjeu climatique n'apparaît. Bon, il y a un chercheur qui s'est amusé à dénombrer le nombre d'occurrences de mots, ben, de, justement, de genre de mots dans le rapport. Bon, ça n'apparaît quasiment pas, quoi. Oui, en effet. C'est un véritable problème. Oui. En parlant d'environnement, quelle est la position du coup de Nicolas Hulot et le pouvoir qu'il a au gouvernement là-dessus? C'est une question de Nicolas Hulot, il envisage, paraît-il, de quitter le gouvernement. Bon, oui. Là, il y est toujours. Donc, il y a une solidarité gouvernementale. Donc, je pense que sur le principe, il est pour le développement du chemin de fer. Mais je crois que s'il pense que ce que fait en ce moment le gouvernement, que la réforme du statut, etc., ça va développer le chemin de fer, il se trompe assez lourdement, je pense. Oui, bah effectivement, la privatisation. On se demande jusqu'où on peut descendre, quoi. Hein. C'est un véritable problème, cette histoire de privatisation du fret, puisque plus personne ne pense se servir, plus personne, j'exagère. Mais qu'est-ce qui reste, quoi, comme activité de fret aujourd'hui? Bon, il reste quelques grands axes. Alors d'ailleurs le port de Dunkerque d'ailleurs ça reste assez actif en matière de fret, hein, parce qu'il y a quand même, j'aurais presque envie de dire les derniers résidus de, vous savez, de la transversale Valenciennes-Thionville, vous savez, qui était faite, oui, à l'époque pour, oui, voilà, qui a été électrifiée dans les années 50 pour transporter les minerais, bon, etc. Il y a un peu c'est acheminé, il y a de l'acheminement par cette voie, notamment de matières premières. Bon, il y a le trafic automobile, il y a des pondéreux, il y a les céréales. Les céréaliers comptent beaucoup sur justement les wagons isolés. Bon. Donc bon, malgré tout, il reste quand même 9% du trafic qui reste au train. Par contre, bon voilà, évidemment ça paraît fou, mais les péages vont augmenter, je pense pas que ça va. Il est peu probable que ça remonte. D'accord. Et alors, bon, là, ça n'est pas exactement le sujet, mais le j'en dis quand même un mot, le projet du Lyon-Turin, que défendent certains acteurs sociaux, ça n'a aucun sens. Moi, je ne suis pas en soi contre les grands travaux, bon, contrairement à certains courants de pensée. Faire un projet comme ça, alors que les trafics s'effondrent, ça n'a tout simplement aucun sens. Je dis toujours, c'est comme si on construisait un méga barrage à 8 milliards d'euros, et tout en asséchant les cours d'eau en amont, quoi. C'est un peu ce qui se fait, c'est à la mesure de l'absurdité de la politique ferroviaire suivie. Oui, il va falloir démontrer ça aux décideurs publics, c'est véritablement un problème. On a quelque chose qui ressemble aussi à ça, nous, avec le canal Seine-Nord, là, dont tout le monde se fait des gorges chaudes dans les milieux municipaux et chez les députés locaux, mais c'est pas du tout un cadeau pour la région. Alors, le problème, juste pour rebondir sur le canal Seine-Nord, le problème, c'est que la voie navigable et les voies ferrées, en fait, se concurrencent, entre guillemets, quoi. Donc là encore, c'est le problème d'une stratégie des transports, parce qu'effectivement, là, c'est pareil. Construire une voie navigable, c'est juste pour qu'il y ait plus de péniches, mais c'est juste pour concurrencer le train. Ça n'a aucun intérêt. En effet. Si on ne peut pas ne pas parler du statut pour finir, on va parler des hommes et des femmes de la SNCF. Il nous reste 5 minutes. Alors, comment est-il à quel point est-il dérangeant, ce statut? Alors, il faut pas, à plusieurs titres, il ne faut pas d'avoir négligé tous les aspects politiques. Bon, on voit bien que Macron, enfin l'équipe actuelle, bon, il y a eu d'ailleurs récemment, là, ça a été repris, je crois, dans le journal Le Monde, au départ, il était perçu comme quelqu'un d'un peu centriste, etc. Et bon, on voit très bien que c'est de plus en plus ouvertement à droite, indépendamment même de la politique qu'il mène, mais il y a aussi le soft, entre guillemets, c'est-à-dire les messages qu'il envoie, et là, bon, il veut évidemment envoyer un message à l'opinion de droite. Bon, évidemment, moi, je me fais la CGT cheminot, quoi. Bon, il y a très probablement ça. Bon, ça, c'est l'aspect, j'ai envie de dire, tactique, mais ça joue quand même un rôle. Ensuite, il est en... Alors, dans le contexte de l'arrivée de la concurrence, il faut que la SNCF soit, entre guillemets, à armes égales avec ses futurs concurrents, dont les salariés seront à un autre statut, enfin c'est pas un statut d'ailleurs, une convention collective potentiellement moins avantageuse que le statut des cheminots, si vous voulez. Oui. Et donc évidemment, si on veut que, d'ailleurs en Allemagne, d'ailleurs l'État avait établi quelque chose d'assez similaire, c'est-à-dire les nouveaux embauchés seront au droit commun, et les anciens étaient fonctionnaires d'ailleurs en Allemagne. Donc voilà, c'est pour que, entre guillemets, la SNCF soit à armes égales. Sachant que ce qui est embêtant dans le statut, ça n'est pas tant les rémunérations, le niveau des rémunérations, enfin ce qui est embêtant, je veux dire, du point de vue de l'employeur, ça n'est pas tant le niveau des rémunérations que des contraintes, entre guillemets, horaires, bon, ça s'appelle la RH77, donc là, des cheminots de la maison, vous en parlerez mieux que moi, je pense, notamment la RH77, qui fait que il y a des contraintes, vous pouvez pas découcher, enfin, pour découcher, c'est-à-dire pour ne pas dormir chez vous, il y a un certain nombre de contraintes, vous ne pouvez pas le faire, enfin vous ne pouvez pas laisser un train le soir et le reprendre le matin. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça qui c'est pas flexible, voilà, tout simplement. Ouais. Et c'est plus ça. Alors contrairement à une idée reçue, hein, c'est plus du point de vue des employeurs, c'est plus ça qui pose problème que le niveau absolu des rémunérations, puisqu'au contraire, certaines catégories de personnel, notamment les conducteurs, avaient vu leur rémunération augmenter au Royaume-Uni après la privatisation. Donc, voilà. Oui, en plus, on s'est fait les gorges chaudes ici, des salaires plus élevés chez les cheminots de la SNCF que dans la moyenne des salariés français. Et dans son blog de notre ami Jean Gadret, il montre qu'effectivement, c'est une société, la SNCF, avec une majorité d'hommes. Et forcément, mécaniquement, les salaires sont plus élevés dans un pays comme le nôtre, où les différences de salaire entre les hommes et les femmes sont déjà de 30%. Bien, nous allons arrêter notre entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir donné ces explications qui sont fort utiles. Je ne vous quitterai pas sans dire que pour ceux qui sont intéressés par la SNCF, il faut aller sur le blog de Ferinter, ça s'écrit comme ça se prononce, Ferinter, sur lequel j'ai trouvé plein de choses. Donc ça mérite un clic sur votre moteur de recherche, chers auditeurs et auditrices. Voilà. Et j'ai également un blog qui s'appelle Des transports nommés soupirs. Donc j'ai pas, pour des raisons techniques et personnelles, que j'ai pas alimenté depuis, mais enfin voilà, que vos auditeurs peuvent également visiter utilement. D'accord. Vous répétez le titre ? Des transports nommés soupirs. C'est, d'accord. Voilà. Alors c'est pas uniquement, d'ailleurs je m'occupe, enfin c'est pas uniquement du transport ferroviaire, mais il y a beaucoup quand même sur les questions de transport. Donc, un clin d'œil au tramway nommé Désir, je suppose. Oui, voilà. Et je fais également un peu une ouverture européenne, je fais des traductions de textes consacrés au chemin de fer de l'allemand et du néerlandais. Donc voilà, c'est vos voisins. Entendu. Merci beaucoup, Vincent Doumerou. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie et bon week-end. Merci. Bon week-end. Au revoir. En 2012, il nous balance que son ennemi c'est la finance, qu'il est temps de passer à bâbord. Mais quand s'arrêta l'élection, il rebaissa son pantalon et s'exclama tous à tribord, l'actionnaire d'abord. Tandis qu'il prenait l'apéro au QG de Solferino, Hollande ratifiait l'accord. Le traité Merkel-Sarkozy que l'on combattait jusqu'ici, l'ouvrier saignait comme un porc, l'actionnaire d'abord.

pa pa pa ra pa ra pa ra pa. Et quand vient le mois de voter, ils mettent Le Pen à la télé afin qu'elle batte des records, et ça espère un vote utile. Le Front National rend facile la réélection des ténors de l'actionnaire d'abord. Leur loi travail est un présage que vienne un jour la loi servage. Sans doute pense-t-il que l'on dort, pense-t-il que l'on dort. Mais nous passons nos nuits debout jusqu'à mettre Valls à genoux devant le peuple en rage qui mord l'actionnaire d'abord. De Bolloré à Serge Dassault, de Gattaz à Bernard Arnault, jetons leur tête par-dessus bord, tête par-dessus bord. Faisons leur payer l'addition de leur délocalisation et partageons-nous le trésor, le peuple d'abord. Donc c'était Pierre Rodriguez et les Mathieu, l'actionnaire d'abord. Et donc vous pouvez retrouver en solo Rod P sur YouTube. Donc vous tapez Rod P pour voir ses nouvelles chansons. Merci Florent. On va passer aux actualités d'attaque avec René. Oui, donc d'abord au plan national. Alors, marée populaire contre les réformes Macron le 26 mai. Alors, suite à une réunion tenue le 3 mai dernier, plusieurs organisations syndicales, associatives, politiques, donc à l'initiative d'Attaque et de la Fondation Copernic, ont programmé un grand rendez-vous citoyen, donc la marée populaire pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité. Et ce sera donc le samedi 26 mai, partout en France. Et à Lille d'ailleurs, mais on y revient après, René. D'accord. Ensuite, le secret des affaires. Alors, une action unitaire spectaculaire pour interpeller Emmanuel Macron et les parlementaires. C'était le mardi 15 mai, où une centaine de militants et militantes et de personnalités ont déployé une banderole géante devant l'Assemblée nationale pour interpeller Emmanuel Macron et les parlementaires sur la proposition de loi secret des affaires. La proposition de loi qui sera soumise le 24 mai à la commission mixte paritaire, donc entre députés et sénateurs, remet en cause les principes républicains et permet aux entreprises de poursuivre journalistes, syndicalistes, lanceurs d'alerte, ONG, voire simples salariés et salariés pour détention ou révélation de secrets d'affaires. La Commission nationale consultative des droits de l'homme appelle d'ailleurs à la restriction du champ d'application de la loi aux seuls acteurs économiques concurrentiels. Alors, Carpentras, procès de Nicole Briand. Le 7 juin 2018 à Carpentras se tiendra le procès de Nicole Briand. Pour rappel, ce procès qui devait se tenir en février dernier avait été reporté sur décision du juge. Nicole, militante d'Attaque, avait participé à une action citoyenne de réquisition de chaises dans une agence BNP Paribas. Un rassemblement est prévu à Carpentras pour accompagner et soutenir Nicole. L'exit tax, un nouveau cadeau d'Emmanuel Macron aux trop riches. Emmanuel Macron a annoncé la suppression en 2019 de l'exit tax, l'une des rares dispositions destinées à lutter contre l'exode fiscal des contribuables français. En vigueur depuis 2012, cette taxe impose les plus-values réalisées par les entrepreneurs lorsqu'ils transfèrent leurs actifs à l'étranger. Cette décision est doublement inacceptable. En premier lieu, la suppression de l'exit tax envoie un signal clair. La libre circulation des capitaux passe avant la lutte contre l'évasion fiscale qui coûte 60 à 80 milliards d'euros à l'État et contribue à affaiblir les politiques publiques. En second lieu, cette décision renforce le caractère profondément injuste de la politique fiscale d'Emmanuel Macron, venant s'ajouter aux baisses d'impôts octroyées aux entreprises et aux contribuables les plus fortunés. On peut même donner raison à François Hollande qui ne parle pas du président des riches, mais du président des très riches. Là, c'est vraiment, ça marque le coup, là. 20 ans d'attaque, René. Oui. Alors, le samedi 2 juin, Attaque France fêtera ses 20 ans à la Bellevilloise, Paris 20e. 20 ans de luttes et de victoires et l'occasion de préparer les prochaines face aux multinationales pour l'acquittement de Nicole Briand, pour la justice fiscale, pour empêcher la ratification du CETA ou encore contre le financement des énergies fossiles. En province, de nombreux comités locaux relayeront l'événement, notamment ici même dans la métropole lilloise. On y revient dans une seconde. Au plan local donc, René. Alors, le samedi 26 mai, donc, la marée populaire pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité, donc relayant l'action nationale, les trois comités locaux attaques de la métropole rassemblent associations, syndicats, mouvements et partis politiques pour cette mobilisation citoyenne. Donc à Lille, le rendez-vous est à 14h30, porte de Paris, donc le 26 mai. De même, nous participerons également à la manifestation du 22 mai pour la défense des services publics. D'autre part, oui, pour cette manifestation du 26 mai, une réunion sera tenue à 12h30 à la Bourse du Travail le 22 mai. C'est ça, l'initiative des trois attaques de la métropole. Nous réunissons comme Attaque Paris et comme tu l'as dit, la Fondation Copernic a réuni à Paris une cinquantaine d'organisations. On espère qu'on va être aussi nombreux. D'accord. Donc le samedi 2 juin, pour rappel, l'eau, un bonheur qui passe, une menace durable. C'est une conférence débat organisée par le collectif Eau avec intervention de Francis Méliès qui se tiendra à l'AMRES, 23 rue Gosselet à Lille, de 10h à 12h. Alors Francis Méliès, il faut quand même le dire, c'est un professeur de géologie, professeur émérite maintenant, qui est aussi président de la Société géographique du Nord. Et enfin, les 16 et 17 juin, ce sera les 20 ans d'attaque locaux. Donc le samedi 16 juin, rendez-vous à 15h, place du Vieux Marché aux Chevaux, face au Café Citoyen, pour une déambulation dans les rues de Lille avec fanfare. Plusieurs arrêts sont prévus pour des prises de parole et aussi durant lesquelles seront jouées des scénettes par le Top Théâtre. La déambulation nous amènera au Sarrasin, un café coopératif rue des Sarrasins à Oisem, où se tiendra la soirée, avec exposition photo des événements marquants de nos actions militantes locales et un spectacle musical avec Franck Van de Castel. Et le dimanche 17 juin, un stand d'information et d'animation avec participation de l'église de la Très Sainte Consommation vous attendra sur la place du marché de Oisem. Un endroit pour discuter, pour débattre des propositions d'attaque pour un autre monde possible. Enfin, le collectif Stop CETA poursuit ses actions d'interpellation des parlementaires dans le cadre, je vous le rappelle, d'une campagne lancée par le collectif national. La tâche est ingrate. Sur l'ensemble du département, nous n'avons obtenu que 4 réponses jusqu'à présent. Un entretien s'est tenu le 13 avril, un autre pourrait avoir lieu bientôt. Bon, même c'est un maigre bilan. Et enfin, le contre-sommet de Davos, Christian. Oui, j'en dis un mot. Le contre-sommet de Davos, on en a parlé à l'initiative des frères Bocquet pour avoir une finance éthique maintenant, une espèce de pied de nez à Davos officiel. Ça continue, ça se prépare. Une association a été constituée, association d'organisation du forum d'Arenberg, dont je suis le secrétaire. Voilà, la réunion plénière le 17 mai a évoqué tous les travaux des commissions. Alors, quelque chose qui nous intéresse bien à TAC. Rappelez-vous, il y a un peu plus d'un an, on vous avait parlé de pétition contre le possible abattage des arbres à Oisem. Eh bien, cette action continue d'exister. Il y aura un rendez-vous citoyen le 23 mai, 20 au Sarrasin, donc le café dont vient de parler René. Il va se passer beaucoup de choses dans ce café. À Oisem, bien sûr, pour un débat sur l'avenir des arbres de la place avec une chercheuse, une géographe, Claire, et de nombreuses associations de défense des espaces verts et de la biodiversité, dont nous, bien sûr, TAC. Donc, le résumé de la question en deux mots. Depuis juillet 2016, on essaie de comprendre pourquoi 5 arbres vont être abattus. Depuis cette date, on a les interprétations, les arguments des élus. Alors, les arguments, c'est pour faciliter l'installation de rôtisseries le dimanche. Ben voyons. Ils sont aussi dans un état, ces arbres, dans un état phytosanitaire très dégradé. Leur espérance de vie ne va pas faire plus de 3 ans. Ils sont malades à cause des salages en hiver, des vendeurs d'olives qui versent leur olive au pied des arbres, tout le monde a vu ça, et des poissonniers qui versent leur glace. Donc c'est quand même assez prodigieux comme argumentation. On n'est pas convaincu par ces motifs et on a demandé à des experts de voir quelle était la question. Ben, les planteurs volontaires, qui sont une association, ont confirmé que les arbres n'étaient pas malades, même s'ils pourraient être mieux traités. Le service parc et jardin de la mairie a également reconnu que ces arbres n'étaient pas en état d'épérissement. Durant toute l'année 2017, les ateliers dits citoyens, c'est les modes démocratie participative à la mairie de Lille, ont été organisés par la mairie de quartier. Nous n'avons pas loupé un seul de ces rendez-vous et jamais la question de l'aménagement de la place ou du projet d'abattage des arbres n'a été abordée. Durant cette même période, jamais non plus les conseillers de quartier n'ont été consultés ni même informés sur ce projet. Alors, des pétitions ont été relancées, nouvelles pétitions. Maintenant, il y en a une en ligne. Et comme en 2016, l'accueil des riverains et des usagers de la place de Oisem conforte clairement la position que nous avons. En s'attirant d'une phrase, on en a marre de voir des élus faire n'importe quoi avec les arbres à Lille. Pour tous ceux qui, comme nous, ont une vision autre de la ville, qu'ils aimeraient une ville plus verte, rendez-vous mercredi 23 mai au Sarrasin. C'est rue des Sarrasins à Lille. On pourrait d'ailleurs ajouter à propos des espaces verts, la friche. Oui, on n'a pas le temps. L'agenda militant. Demain à 17h au Centre culturel libertaire, 4 rue Colmar à Lille, conférence gesticulée « Informatique ou liberté » par Lunard. Les technologies numériques se sont invitées dans nos vies, travailler, s'informer, jouer, vivre ses amitiés, se soigner, consommer ou se révolter. Quel contrôle avons-nous sur ces ordinateurs devenus omniprésents? À qui facilite-t-il vraiment la vie? L'apparente complexité technique cache des enjeux politiques. Mercredi 23 mai à 20h30, au cinéma associatif L'Univers, le réseau Salaria propose le documentaire Cheminot, justement sur le ferroviaire, de Luc Joulet et Sébastien Jousse. Que se passe-t-il dans la stigmatisation rituelle par le pouvoir d'une corporation comme privilégiée, entre guillemets? Le vendredi 26 mai à partir de 19h, au cinéma Le Frénois, à Tourcoing, Cabaret de l'Union intitulé L'esclavage moderne. Point d'interrogation. L'esclavage plonge ses racines dans l'histoire et continue d'exister sous différentes formes. La traite d'êtres humains, la servitude pour la dette et le travail domestique forcé n'en sont que quelques exemples. Le jeudi 31 mai à 20h, à la scène nationale de la Rose des Vents, les Amis du Monde Diplomatique proposent une conférence débat sur le foot. Pourquoi une telle passion ? Le football est certainement le sport le plus populaire au monde. Il est l'objet d'un engouement permanent qui peut prendre la forme d'une passion de masse au moment des Coupes du Monde, lesquelles sont suivies par plus d'un milliard de personnes. Pourquoi et comment ce jeu est-il devenu un phénomène social d'une telle ampleur, suscitant autant de passion ? Quelle violence ! Oui, on va s'arrêter là. Voilà. Eh bien, nous allons vous dire au revoir et vous souhaiter un bon week-end. On a un jour de plus, là c'est la Pentecôte, je n'ai pas trop bien ce que ça veut dire, Pentecôte, mais voilà, vous avez un jour de plus pour vous reposer, chers amis qui sont salariés et voilà, et travailleurs en général et travailleuses. Bon week-end, à bientôt, nous nous retrouvons le 16 juin à la même heure.